Encore une fois, faut que tu te réveilles. Ne sombre pas, c'est plus pareil. Tu te remettras. Change de vie, change d'état. Va par ici ou va par là. Que passe le temps, t'as plus qu'à te pendre, ou bien va-t'en. C'est dur d'écrire quand on n'est pas là, mais ce que j'ai à dire, tu le sauras pas. Change ta vie, change vite d'état, va par ici. Viens par là, change ta vie.